papa. Yemba Yesu. Mwana mpate Yesu. Yango na yemi mwana mpate. Yes, one and a party. Hallelujah. Yes. Yesu we, elonga nanga. Yesu we, elonga nanga. Elonga nanga. Yesu we, elonga nanga. Yesu we, elonga nanga. Nakuzonga lisusu simate. Elonga nanga. Mwemoyo zali mboka sata. Molongi et Sengeli Toyoka. Ils ont vécu à cause du sang du Nagno. Yesu elonga nanga. Yesu. Yes. Encore Yesu. Yesu. Yesu elonga nanga. Yesu elonga nanga. Elonga nanga. Yesu elonga nanga. Oh. Kuzonga lisusu simate. Umoyo zali mboka sete. Unga ya zambi ibiti na mboko yo. Mamundi mwongi ya sengeni koyote. Elonga nanga. Wananapate. Wananapate. Wananapate. Wananapate. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pendant ce temps? Nous disons, Seigneur, nous te confions nos cœurs ce matin. Nous sommes là au devant de toi pour célébrer ton nom, le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses. Toi qui as vaincu la mort, toi qui la mort n'a pas su contenir, tu es la raison de notre adoration de ce matin. Merci Jésus. Nous te remettons ce culte de ce matin à toi Jésus. Alléluia. Nous sommes là pour te célébrer. Puisque tu nous as guéris, nous voulons te célébrer. Puisque tu nous as donné la réussite, nous voulons te célébrer. Puisque tu nous as donné la distinction dans nos entreprises, nous sommes là pour te célébrer. Seigneur, nous nous confions à toi. Il n'y a que toi qui peux nous donner ce dont nos cœurs cherchent. Voilà ce matin ton peuple est venu dans ton assemblée afin de te prier, afin de te célébrer pour ce que tu es. Sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Kwa kweli alinisamehe. La grâce de la part de Dieu, il peut applaudir pour notre Seigneur. Alléluia. Nous invitons les canaux vocaux pour un cantique de louange. Est-ce que nous pouvons les encourager avec les applaudissements? Tu es qui n'a Kulala na kulamuka ni neema Yesu. Kile tuko hapa ni neema ya Mungu Baba. Tunamerite neema. Mina sema neema ya Mungu wetu ikingari tena. Mabandiri mwana wenu ngana ngakatazwa. Inoche baberi mwenu mabandiri kelele baba. Unesku pepe yako jua sifa ya Mungu. Pepe yako, haleluya. Inoche baberi mwenu mabandiri kelele baba. Baba ye, niwe Baba. Bouge. Ukishima meyulu, afanye rer. Shima mayulu, njua sifa ya Mungu. Hey, niwe Yeso, Yeso. Baba ye, niwe Baba. Hey, niwe Baba, Baba. Ukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager avec les applaudissements? Nous sommes pendant le moment de louange. Chaque mouvement compte. Nous invitons la chorale à nous donner un cantique de louange. Et pendant ce temps, ensemble avec l'assemblée, nous pouvons nous tenir debout pour louer notre Dieu. Thank you.

Alléluia. Nous ne pouvons qu'élever le nom de Dieu. Est-ce que nous pouvons une fois de plus acclamer pour ce nom glorieux, le nom de Jésus? Pendant ce temps, nous allons prendre la position qu'il faut pour adorer notre Dieu. Il mérite notre adoration. Nous sommes là ce matin pour élever son nom, l'adorer et l'élever. Comme ils ont dit, tombe-moi, Maya Yesu, sois élevé, toi le serpent des reins, tu mérites notre adoration. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et lui dire, Seigneur, tu mérites ma louange, tu mérites mon adoration, tu mérites ma reconnaissance. Je suis là ce matin pour élever ton puissant nom et glorieux nom. Alléluia. Jésus, ô Dieu qui est comme toi, Seigneur, nous te levons ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, pour te louer. Reçois la louange de mon corps. Mon âme te bénit, mon âme te loue, parce que tu es Dieu. Oui, qui dira qu'il vit sans toi, Seigneur. Tous nous existons, Seigneur, par ta volonté. Et nous te devons reconnaissance pour cela. Laisse que nos cœurs ce matin, Dieu de gloire, s'abrègent devant toi, te loue et te glorifie parce que tu es digne, parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté. Oh Yahweh, qui est comme toi, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te glorifie parce que tu es notre Dieu. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, le soleil, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors se lève chant, Dieu tout puissant, que tu es grand, de tout puissant, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand, oui, de tout. Sur le trône, tu règnes. assis sur le trône. Sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Oh, il est merveilleux. Uyu Mungu ni mwema kabisa. Il est merveilleux. Hakika ni mwema kabisa. Mais tu peux tout rater dans la vie. Unaweza kupusa byote maisha. Dieu peut te les donner. Mungu anaweza kupatia hiyo tena. Si tu rates le Seigneur. Kama unampusa huyu Bwana. Tu as tout raté dans la vie. Unapusa byote mu maisha. Oh, elève ta voix, commence à. Sasa inua sauti yako anza kumomba. Parce qu'il est merveilleux. Babu Mungu ni mwema. Hakika ni mwema. Nous sommes tous en prière en train de l'élever. Tuko maombi tuko na muinua sasa. En train de l'adorer ce matin. Tuko na muabudu huyu Mungu asubuhi ya leo. C'est magnifique. Sababu ni mwema kabisa. Alinganishwa na kitu. Alinganishwa na mtu. Kutambua huyu mpendwa wangu. Katikati ya watu elfu. Unaweza kumtambua kumpendwa wako. Katikati ya maelfu tano yote. Unaweza kumtambua kumpendwa wako. Katikati ya matatizo yote na kufikia. Basi asubuhi ya leo. Umuinue sasa sauti yako. Mwambie Bwana kutambua. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sante Bwana. Sante Yesu. Merci. Haleluya. Continue à l'adorer bien-aimé. Endelea kuweza kumwabudu. Continue à l'élever. Tu endelea kumuinua. Oh, il est magnifique. Merci Jésus pour ta grâce. Il est magnifique. Mungu ni mwema kabisa. Oh, il est magnifique. Hakika ni mwema kabisa. Oui, commence à le bénir. Anza kumubariki sasa. Il n'y a personne qui t'a aimé comme Jésus. Hakuna mwingine alingalizo pamoja na Yesu. Il n'y a personne. Hakuna hata mmoja. Les choses peuvent se perdre. Vitu ya upeke. Hallelujah. Oh, merci. Dans la vivre boli konayo. Hallelujah. Boli konayo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour ce matin. Merci pour tes grâces et ta bonté. Je vais les rendre sans néant. Tu m'as ramassé dans la bouche, Jésus. Merci Jésus. Oh, Naweza kusimama kupika mikono. Est-ce que tu peux acclamer la bonté? Naweza kuchapa mikono. Tu peux acclamer l'amour de Dieu. Chapa mikono kwa ajili ya Bwana. Tu peux acclamer l'amour de Dieu. Naweza kushangilia. Oh, il est merveilleux. Alléluia. Bon, on reste debout, je sens dans mon cœur qu'on peut louer le Seigneur avec un cantique. Nataka kumsifu Bwana na wimbo moja. C'est le démarrage, on vous a mis beaucoup de contraintes. Mais on va s'habituer, ne vous en faites pas. Est-ce qu'on peut chanter Seyo, Maman Chouchou, Michou, Chouchou? Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Tunapenda kumsifu tena Bwana. Donc vous comprenez qu'on a mis des minuteurs chez les choristes, tout était un peu réglé, mais ça va aller. Tunaweka vyombo juu kwa sababu na nyasa na madakika, vitendeka tu. C'est bella, bougez. bitumba molini na zomo na teo Bosu kisya makambo ya bomo inakaseo papae Soki na zosi mila ezaliko zangambo na ngaye Sangani lokola na tu de babele Bati yang tabe wa susu liboso na yo Eko simba teo Pokiti ya bokonzi e bonga na yo Yesu Ya ya Yo fanda sekona sekona Nani apona yo Yesu e Nani apona yo e Sekona sekona kiti na yo Bokonzi e bonga na yo Ya ya Loko mbuto pesa na yo shiloe Oh zamba ya Zambo ya zalisa kapona zala seyo kolo papa Zambo ya kutela kangabi tumbambo nini na zombo na teo Kosu kisya makambo ya bongo inanga seyo papae Sogi na zosi bila Misa limbo zangambo na ngaye Esko back na me Zambo ya bundela kanga bitumba molili na zombo na teo Mosu kisya makambo ya bongo inanga seyo papae Soki na zosi bila ezali mboza ngambo na ngaye Hallelujah Père, nous te disons merci ce matin. Si nous sommes en vie parce que tu es de notre vie. Nous bénissons ton amour. Nous bénissons ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Salimia que Dieu te bénisse. Mwambesema Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mwambese Mungu akubariki sana. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, on peut nous mettre Jean chapitre 1er. Watoke kwenye kibao Yohana sura ya kwanza de 1 à 5. Toka mstari wa kwanza hadi wa 5. De 1 à 4, Jean chapitre 1er, de 1 à 4. J'ai senti dans mon cœur qu'avant même de prêcher, c'est mieux que nous lisions tous ce passage. Ce n'est pas ça le thème d'aujourd'hui. Mais c'est très important de connaître ce passage. Jean 1, 1 à 4. J'aimerais qu'on les lise tous. Napenda tuisome wote pamoja. C'est un passage merveilleux. Yekistari mzuri kabisa. 1 2 3. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On continue. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Mais au commencement, était la parole. Il y a quoi ni nenno? Il n'y avait rien. Il n'y avait que la parole. Cette parole que nous voulons entendre ce matin. Et la parole était avec Dieu. Et on nous dit que la parole était Dieu. Et cette parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses. Ont été faites par la parole. Tout ce que tu peux vouloir dans ta vie vient de la parole de Dieu. Tout ce qui existe aujourd'hui sur la terre vient de la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ta vie n'a pas été faite sans la parole. C'est pourquoi nous disons qu'en elle était la vie. Si tu veux recevoir la vie, sois en contact avec la parole de Dieu. Si tu veux changer ta vie, sois en contact avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la force, ce n'est pas la beauté, ce ne sont pas les moyens, c'est la parole de Dieu. Nous dit ceci. Il soutient toutes choses. Parole puissante. Frères et sœurs, même le temps de rotation de la terre est soutenu par la parole de Dieu. Le temps de ta vie est soutenu par la parole de Dieu. La durée de la vie de tes enfants, quand tu te réveilles, quand tu dois te coucher, quand tu dois manger, toutes ces choses soutenu par la parole de Dieu. Commence la journée avec la parole de Dieu. Alléluia. Commence la journée avec la parole de Dieu. Vis ta vie avec la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour la parole de Dieu? Cette parole qui te donne la vie, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Oui, tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Shangilia pour Dieu lui-même. Shangilia, shangilia. Et que Dieu te donne la vie. Rien de ce qui existe n'existe dans la parole. Bila neno la Mungu. Que le Seigneur te bénisse. Bwana akubariki. Amen. Amina. Pour connaître l'importance de la parole. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bwana wabariki asubuhi ya leo. Continuons toujours avec notre sous-thème. Tukoendelee pana kishina yetu kidogo. Ya kishina yetu leta siku ya yenge ilipita. Ne te trompe pas d'ennemi dans la vie. Usijidanganye na mpinzaji wako maisha. Ne te trompe pas d'adversaire. Usijidanganye na mpinzaji wako maisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plupart des échecs dans la vie, kushindwa mingi mu maisha, sont dus généralement, mara mingi kwa jumla, à une grande énergie que nous livrons dans un combat avec un faux adversaire. Kwa ajili ya nguvu mingi tukunatoa zaidi kwa vita na ule mpinzaji hana wa kweli. Beaucoup de gens dans leur vie watu wengi maisha yao ne connaissent même pas quel est leur vrai adversaire. Beko nashinda kutambua mpinzaji wake wa kweli ni nani. Yana qui pense à leur tante, leur oncle. Yanawaza kama ni anakuwa ni mama yake, kambo yake, sangaji yake, la femme, ni bibi yake wala mume. Il choisit un mauvais adversaire. Yako na chakula mpinzaji wa bongo. Tes ennemis, tes amis croyant que ce sont tes adversaires. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu pour nous aider. Alors ce matin, je vais continuer à enseigner ces choses. Parce que si nos pensées changent, la vie change. Parce que la vie change par la pensée. La différence entre les hommes vient de la différence dans la manière de penser. Pas la manière de penser. Voilà, c'est le problème de la pensée. Il est yote na topaka mu mawazo. C'est pourquoi le Seigneur nous parle ce matin. Dio maana Bwana tusungumzie tena asubuhi ya leo. Pour nous aider. Kwa ajili ya kutusaidia. Ce matin, je voulais parler des quatre grands ennemis capables de bloquer l'héritage de quelqu'un. Napenda kusungumzia madui inne inakumkimu ya kuweza kunasa kabisa urithi ya mtu. Ne te trompe pas ushidanganike na adui wala mpinzaji wako. Napenda kuzungumzia kwa ajili ya adui ine bakubwa kwa mjumla iko na kamata urithi ya watoto ya Mungu. Watu wengi wako naomba akili maisha yabo haiendelee. Bengine bako nalia siku kwa siku. Mais la vie ne change pas. Maisha yabo haibadilike. Ce matin, asubuhi ya leo, je voulais parler de quatre grands. Napenda kuzungumzia ba adui ine bakubwa. Qui peuvent bloquer ou qui bloquent l'héritage. Wanaweza kubana urithi yetu. Alléluia. Amen. Alors je vais y aller étape par étape. Tutenda kimo kwa kimo. Et nous allons parler de ces choses. Natasungumzia tena maneno haya. Alors comme il s'agit des quatre grands ennemis, je vais lire quatre textes. Tutasoma kubasi ma usome ine. Non. Un texte j'explique comme ça on gagne le temps. Tutasoma mstari moja kisha tunafasiria. Je voulais d'abord parler du premier ennemi. 1 Samuel chapitre 17. Samuel wa kwanza sura yake 17. Verset 28 à 30. Mustari makumi mbili na munane, odi makumi tatu. Et Genèse chapitre 37, verset 22. Na kitabu ya Mwanzo 37, 22. Donc 1 Samuel chapitre 17. Samuel wa kwanza, sura ya kumi na saba. Verset 28 à 30. 28 à 30. La Bible nous dit. Biblia nasema. Eliab, son frère aîné. Eliab mkubwa wake mzali wa kwanza. Qu'il avait entendu parler à ses hommes. Alisikia kusema kupitia wale watu. Fut enflammé de colère contre David. Akakasirika sana juu ya Daudi. Et il lui dit. Na akasema. Pourquoi es-tu descendu? Kwa nini ulishuka? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Na uliachia hii kondomo kidoko mujango uliachia nani? Je connais ton orgueil. Na yua kiburi yako na ujanja wa moyo wako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Ulishuka kwa ajili uangalie vita. Je vais lire en français pour gagner le temps. Ndio tasoma lugha moja tunayo wakati. David répondit. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Genèse chapitre 37, verset 22. Genèse 37, 22. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour faire retourner vers son père. Amen. Amen. Nous allons parler essentiellement de l'histoire de David et de Joseph. Pour comprendre les ennemis, les choses qui peuvent bloquer notre vie. Et nous sommes tous interpellés par cette parole de Dieu ce matin. Dans la première histoire, katika hadithi ya kwanza, nous voyons David qui va à la guerre. Tunamuona Daudi huyu anaenda kushamba la vita. En fait, son objectif n'était même pas d'aller à la guerre. Kutaka kwake ilikuwa aende kuvita. Son objectif c'était d'aller voir ses frères. Fukuzio yake ilitamani aende aone banduku yake. Joseph aussi voulait aller voir ses frères. Yusuf naye alipenda kwenda kuona banduku yake. Donc nous avons pratiquement le même cas de figure, sauf ça j'ai combiné les deux choses. Tuko na aina mbili ya uso napenda tuichange yote pamoja. Il va voir ses frères. Anaenda kuona banduku yake. Quand il arrive devant ses frères. Wakati anafika mbele yao. Il trouve qu'il y a un géant qui s'appelle Goliath. Anaona kulikuwa mtu mkubwa kabisa jina yake ni Goliath. Il est en train de combattre Israël. Eko na kombanisha wana wa Israeli. David entend les paroles de Goliath. Daudi anasikia misemo ya Goliath. Alors il pose des questions. Sasa anauliza. Pourquoi il insulte Israël? Kwa nini eko na tukana? Pourquoi il insulte la famille? Eko na tukana jamaa. En tout cas moi je me lèverai, je vais me battre. Minta simama tamukombanisha. Quand son frère aîné Eliab. Wakati mzaliwa kwa kwanza ndugu yake wa kwanza Eliab. Entend les paroles de David. Anasikia misemo ya Daudi. Il l'appelle. Anamuita. Oui, mais pourquoi tu es venu? Kwa nini unafika hapa? A qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Ile bivuko kidoko mujango unayatia hiyo nani? C'est ça qui faisait vivre notre famille, mais tu es venu faire quoi? Nini leta buzima mujamana yetu? Kwa kufanya nini hapa? Il faut rentrer. Basi rudia kwa haraka. Pour prendre soin des brebis de la famille. Wende sulukie kwa ile kondo yetu ya jamala. Quand David comprend apprend ces choses, wakati Daudi alielewa maneno haya, se retourne vers un autre, anamgeukia mwingine, pose la même question, anauliza ulizo moya moya. Alléluia. Amen. Eliab voulait que David rentre chez son père. Eliab alipenda Daudi arudie kwa baba yake. Rentre dans le désert. Rudia mujangwa. Si David était rentré ce jour-là, kama ile siku Daudi aliweza kurudia, il combattrait jamais Goliath. Hakuweza kumkombanisha Goliath. Et on ne parlerait plus de David comme roi. Na hakuweza kuzungumzia kwa ajili ya Daudi kama mfalme. Je vais chez Joseph. Nenda sa kungambo ya Yusufu. Encore son frère aîné Ruben. Nduku yake wa kwanza jina yake Ruben. Je ne vais pas seulement parler des problèmes entre les aînés et les cadets. Nduku na sungumzia kwa ajili ya bazaliwa wa kwanza na ba mwisho. Non, je ne veux pas en parler. Sipende kusungumzia ile. C'est des problèmes dans la famille. Ili ni mambo ndani ya ujamaa. Les aînés, bazaliwa wa kwanza, et ceux qui viennent après eux. Na bale wanaofuata nyuma yao. Parfois, mara mingi, il y a des gens qui ont perdu leur héritage kukubale bali potesi ya urithi ya à cause de la pression des aînés kwa ajili ya kusongwa na bakubwa yao ba kwanza dans la famille ujamala dans les églises makanisa les aînés qui précèdent ceux qui se convertissent bali bali tangulia bali banamini kisa parfois n'oriente pas bien ceux qui viennent après mara mingi abongoze bali banafuata nyuma yao. Au travail, la même chose. Vous trouvez les aînés qui vous ont précédé. Il y en a qui ne vont pas vous faciliter la tâche. Dans le mariage. Parce que nous allons venir le mariage tantôt. Parfois, les conseils des aînés ne sont pas toujours bons. Alléluia. Amen. On voit Joseph aller voir ses frères. Tunamwona Yusufu anaenda kwa ndugu yake. On le voit de loin. Banamone tu kwa mbali. On dit non, ce faiseur de songes est arrivé. Huyo kwa kulota mandoto yeye anakaribia sasa. Il faut qu'on le tue. Afadhali tumuue. Ruben dit non, ne le tuons pas. Ruben anasema hapana tusimuue. Jetons-le dans une citerne. Tumutupe tu ndani ya mbirika. Et la Bible nous dit expressément na Biblia nasema tu hivi que Ruben, Rubeni avait l'intention alikuwa na nia de le retourner chez son père ili amrudishe kwa baba yake. Nous pensons que c'était une bonne intention. Tunazania kama ilikuwa ni nia ya mzuri. Bien aimé, je parle de problèmes qui bloquent l'héritage des enfants de Dieu. Donc on a sungumzia mambo ya ma ile kuna bana na ukamata urithi ya watoto ya Mungu. Un de premier grand problème. Mmoja ya tatizo ya kwanza. Un de premier grands ennemis. Mmoja ya adui mkubwa. C'est des choses. Ni vitu. C'est des hommes. Ni watu. C'est des situations. Ni mahali. Qui veulent nous retourner dans le passé. Inapenda kuturudisha mambo yetu ya zamani. L'intention paraissait bonne pour Ruben. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Que Joseph rentre chez son père. Oh, j'ai dit à quelqu'un ce matin. La Bible dit, mon serviteur prospérera. Il montera encore. Tout ce qui peut te retourner en arrière. Ce matin, je l'annule. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu ne rentreras pas dans les échecs d'hier. Tu ne rentreras pas dans le chômage d'hier. Tu ne rentreras pas dans la pauvreté d'hier. Tout ce qui est dans ta vie aujourd'hui. Il est en train de se coaliser pour te retourner là où tu étais. David, on voulait le retourner dans le désert pour garder les brebis. Il est alors que kondo. Le temps de garder les brebis était terminé. Oh, frères et sœurs, le temps de ton désert est terminé. Tu ne rentreras plus dans le désert au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Joseph, On voulait le retourner chez son père. Tu es marié. Je déclare. Tu ne rentreras plus dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Non, Mathieu, ce n'est plus ta sana. Ah, les souffrances sont tellement atroces. Il faut que nous rentrions encore chez nous. Ce matin. Tous les esprits. Il est ma pepo yo. Te retourner en arrière. Sont annulés dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as reçu un travail. Même si on doit licencier 1000. Ce n'est pas ton problème. Que mille tombe à ton côté. Que mille à ta droite. Toi tu ne seras pas éteint. Tu ne rentreras pas en arrière. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prospérer. Frères et sœurs, ce matin je te communique la grâce d'aller seulement de l'avant. La grâce d'aller seulement de l'avant. Tu ne reculeras plus jamais dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui t'attendent. Pas les cas j'ai t'amour. Oui. Quand j'ai ta couche. Oh, on ne va pas t'arrêter au boulot. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Amen. Oui. Toi là. Tu vas pas divorcer. Au nom de Jésus. Même si les souffrances de Dieu. Il ne viendra plus encore dans ta famille. Au nom de Jésus Christ. La Bible dit. Biblia na sema. Il y en a qui disent. Il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Mais c'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier, c'est toi ma gloire, c'est toi qui relève ma tête. Alléluia. Amen. Le premier ennemi qu'il faut combattre, c'est tout ce qui veut te retourner en arrière. Alléluia. Amen. Oh, ce matin. Leo, tout ce qui veut te retourner en arrière, yotina nyuma, tu vas le combattre dans ta vie. Yako. Lève ta main là où tu es. Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin. Je refuse. Tout ce qui peut me retourner en arrière dans ma vie. Tout ce qui veut me retourner en arrière dans ma vie. Tout ce qui peut retourner ma famille en arrière. Tout ce qui veut retourner ma famille en arrière. Tout ce qui peut retourner mon travail en arrière. Tout ce qui veut retourner mon travail en arrière. Tu as dit je prospérerai. Tu as dit que je prospérerai. Je monterai. Et je monterai. J'annule tous les ennemis. J'annule tous les ennemis. Et je les anéantis. Et je les anéantis. Tu veux me retourner en arrière. Tu veux me retourner en arrière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ça soit dans la famille. Que ça soit dans la famille. Que ça soit dans l'église. Que ça soit dans l'église. Que ça soit dans ce monde. Que ça soit dans ce monde. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Kapamba kofi kwa ajili ya Bwana. Dans les deux cas, oui, mahali yote mbili, David comme Joseph, ngambu ya Daudi na ngambu ya Yusufu, mais parmi les gens qui veulent nous retourner en arrière dans la vie, katikati ya wale bantu wanapenda kuturusha kumukongo maisha yetu. Moi, ça m'a étonné quand je méditais. Mais ni shangari wakati kwa nasoma andiko hiyo. Ce sont les gens de la famille. Ni paka bantu ba mujamala yetu. Ruben, frère aîné de Joseph. Ruben, kubayake wa kwanza wa Yusufu. Eliab, frère aîné de David. Eliab naye kubayake wa mzaliwa wa kwanza wa Daudi. C'est bien la famille. Jamala iko mzuri. À un moment donné. Lakini wakati moja fulani, ça peut être un piège. Inaweza kuwa mtego tu. Une famille qui propulse les c'est une très bonne famille. Quand je parle de la famille, vous voyez la famille biologique. Je vois la famille dans l'église. Vous savez, même dans l'église, il y a tellement de pesanteurs. Vous savez, je suis pasteur. En fait, non, Dieu a dit nous les. Dieu a dit nous dans l'église. Au travail, la même chose. Makazi, ni vile vile tena. Dans la famille professionnelle. Majamala ya kazi. Makundi ya kazi. Il y a beaucoup de familles. Les mutuelles sont des familles. Makikundi kundi ya makabila na bitu ingine ingine. C'est bien quand vous encensez le chef. Mzuri wakati mnampandisha mkuu. Mais si toi tu veux monter, le chef dit non, tu dois. Mbona unapenda kupanda mkuu anasema hapana. Dans la tribu la même chose. Hata makabila paka vile. Bien aimé, c'est pourquoi il n'y a que Dieu. Ndio maana nduku ni paka Mungu. C'est pourquoi il n'y a que ni paka Mungu tu. C'est pourquoi il n'y a que Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Ni lazima kabisa. Tous même famille. Sisi zote tukumjama la moyo. Dans le premier ennemi à combattre aujourd'hui. Adui wa kwanza kupambanisha leo. Tout ce qui nous veut, qui veut nous retourner en arrière. Ile yote napenda kuturudisha nyuma. Il faut combattre ça. Afadhali kuikumbanisha kabisa. Alléluia. Amen. Deuxième ennemi. Adui wa pili. 1 Samuel chapitre 17. Samuel kwanza sura ya 17. Verset 8. Mstari wa 8 à 17. Odi wa 10 na 7. Et Genèse chapitre 37 verset 28. Na kitabu ya Mwanzo sura ya kusoma 13 na 7, mstari wa kusoma 12 na 8. Samuel 17. Samuel kwanza sura ya 17. 8 à 17. Je lis seulement en français pour gagner le temps. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Vous savez, ici, il s'agit toujours du combat. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour ranger, vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. On peut même s'arrêter là-bas. Genèse chapitre 37, verset 28. Genèse 37, 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. 39, verset 1er, Genèse. 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Amen. Amen. Je veux parler de la deuxième chose qu'il faut combattre dans la vie. C'est les choses qui te rendent esclave. Plusieurs aujourd'hui sont esclaves. Ils sont esclaves. Je ne parle pas seulement de la pauvreté. C'est aussi quelque chose qui rend les gens esclaves. Je parle de l'esclavage. Si tu ne tues pas Goliath, tu lui seras assujetti. Utakuwa chini yake. Utakanyanga. Le deuxième grand ennemi à combattre dans la vie. Hii sehemu ya pili ya huyu adui anapaswa kupambanisha maisha yetu. C'est tout ce qui peut te rendre esclave. Ni ile yote inaweza kufanya wewe unakuwa mtumwa. Il y a des familles esclaves aujourd'hui. Uko majama mengine ya watumwa leo. Esclave de la sorcellerie. Watumwa ya ulozi. Esclave de la pauvreté. Watumwa ya kimaskini. Il y a des hommes et des femmes. Banamke na banaume. Esclave de maladies. Batumwa ya magonjwa. Il a tous les moyens. Eko na namna yote. Il circule dans des jets, dans des avions. Eko na tembea yule ya mandege za hanga. Dans des véhicules. En réalité, c'est un esclave. Mumagari ya kwa chana, lakini ye mwenye ndani yake ni mtumwa. Ne vous fiez pas aux apparences. Mushi angalie kuona kana kwa macho tu bure. Il y a des gens qui sont esclaves des pactes qu'ils ont faits. Bengine ni batumwa kwa ile mambo walifanyaka, mipango walikamataka. Ils dorment pas la nuit. Busiku banalaki. Il y en a qui sont esclaves. Bengine nao ni batumwa tena. Mais ils ne mangent pas leur salaire. Abakulake mshahara ya kazi yake. Ils vivent des situations pires que les nôtres. Et kuna isi hali ya mubaya kabisa. Et alors, ils sont esclaves de la pauvreté. Bengine tena wanakuwa ni watumwa wa maskini. Ils sont esclaves des autres hommes. Bengine bako watumwa ya bantu bengine. Kama unanitaya. Siti siti selema mono. Utashikia. Ah, il verra. Et il lit toute la vie comme ça. Na ina mukamata maisha yake yote. Combien de gens avec des réseaux sociaux tiennent les autres en esclavage. Beko mubutumwa. Le Philistin se présente devant Israël. Le Philistin est assis devant Belle et Israël. Il donne la raison du combat. Analeta sababu ya vita ya. Bien aimé, il y a une raison. Kuko sababu moya fulani. Pour laquelle le diable attaque ta vie. Tu y es là, Satan a chambré à Maïsa Yako. Il se tient là. Anasimama mbele ya. Il dit, voici, je suis le Philistin. Anasema mimi mimi mimi huyu hapa Mfilistini. Les règles sont simples. Basi namna ya vita ni hivi. Israël d'un côté. Israël ngambo moja. Les Philistins de l'autre côté. Uyum Filistina ye, anasimama ngambo ingine. Choisissez une personne. Chakuleni mutu mmoja. Nous aussi une personne. Nasi kuchakule mutu mmoja. Oh bien aimé. Pendwa. Il y a des familles. Kuma jamala ingine. Qui sont esclaves aujourd'hui. Ni batumwa masiku za leo. À cause d'une personne. Kwa ajili ya mutu tu mmoja. À cause de ce que cette personne a fait. Kwa ajili ili mutu mmoja alifanyaka. Si vous nous tuez. Wakituue. Nous devenons vos esclaves. Tutakuya batumwa yenu. Et si je tue votre représentant. Na kama na huwa ule mbalozi wenu. Vous aussi vous devenez nos esclaves. Nini mutakuya batumwa yetu. Tu es là peut-être ce matin. Maringi nuko hapa asubuhi ya leo. Dans la famille. Ujamala yenu. Quelqu'un vous a livré. Muntu moya alisa kumitoa zamani. Et vous êtes aujourd'hui esclaves. Na leo mnajikuta mahali ya utumwa. Esclaves des Philistins. Butumwa ya Mfilistini. Esclaves de la sorcellerie. Butumwa ya ulosi. Esclaves de certaines maladies qui sont entrées dans la famille. Butumwa ya magonjwa fulani fulani sio ingia mjamala. Esclaves de certains problèmes. Butumwa ya mambo mbalimbali. Le Dieu que nous pressons. Uyu Mungu tunayemhubiri. Il est vivant. Yuko hai. Il dit au commencement était la parole. Ingia mwanzo ilikuwa ni neno. Et la parole était avec Dieu. Neno lilikuwa pamoja na Mungu. La parole était Dieu. Neno lilikuwa ni Mungu. En elle il y avait la vie. Ndani yake mlikuwa uzima. Je proclame ce matin. Natangaza asubuhi ya leo. C'est qu'il est écrit dans Jean chapitre 8 verset 36. Jean 8 36. Celui que le Fils a franchi, il devient réellement libre. Ce matin, Jésus va t'affranchir de tout esclavage dans la vie. Alléluia. Amen. Oh, ce matin, nous devons briser tous les esprits d'esclavage. Joseph, la même chose. Yusufu, vile vile. Quand le sol de la citerne, on le vend. Et ceux qui l'ont vendu, l'ont vendu encore. Atterri chez Potiphar comme esclave. Anafika kwa Potiphar kama mutumwa. C'est comme ça que la femme de Potiphar a dit cet esclave juif. Ndio vile muka wa Potiphar sema huyu mutumwa wa Kiyuda. Oh frères et sœurs. Oh ndugu yangu. Il y en a qui sont devenus esclaves aujourd'hui. Bengine leo banakuya batumwa. Parce que vendu. Sababu balisha kubauzisha. Alléluia. Amen. Vendu. Comment ils ont été vendus? Il y en a, c'est l'argent. Bengine tu ni mambo ya fedha. On leur a donné l'argent pour vendre, pour acheter ou vendre quelqu'un. Balimupatia fedha ile auze mtu au auzishe mtu moya fulani. D'autres vendus par des pactes. Bengine baliuzisha kwa ajili ya mipango ni kama taka. Il a fait des sacrifices au culte. Alifanyaka masadaka ya ngiza. Dis non, donnez-moi l'argent. Je sacrifie les enfants. Je sacrifie ma vie. Donnez-moi l'argent. Comme quelqu'un que j'ai reçu un jour à mon bureau. Mais dis non, pasteur. Oh, moi, je sais que je vais mourir à 40 ans. Je dis pourquoi? C'est Dieu à nini. Dis non, non. C'est ma panne. J'ai demandé qu'on me donne l'argent. J'avais 25 ans. Je veux bien vivre pendant 15 ans. Et à 40 ans, je veux partir. Je le regarde là, je venais de Lumbashi fatigué. Je regarde un jeune homme. J'ai eu mal. J'ai eu mal, j'ai regardé le jeune homme. Je lui pose une question. Est-ce que ta femme connaît? Il dit non, ma femme ne connaît pas. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Mais les pierres. Ah. J'ai dit Seigneur, c'est bon. Préserve mes filles. Chunga, msichana wangu. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez? Unaelewa tu ya kama? Il vend la vie. Anauzisha bushima yake. En échange d'un bonheur de 15 ans. Ili apate kuheri moja ya miaka 15. De 25 à 40. Kutoka miaka 12 na la femme ne connaît pas. Bibi yake les enfants ne connaissent pas. Batoto bayo kitu. Mais il est esclave. Paleko ni mutumwa. Est-ce que vraiment les moyens qu'il a c'est vraiment la vie? Non. Ile manamu ne kona njo bushima tu. Monsieur. Sont esclaves. On est esclave de celui à qui on est soumis. Il y en a qui sont même esclaves de l'argent aussi. Dès qu'il a l'argent, le cœur est là. Il y en a qui sont esclaves de la pauvreté. Même s'il fait n'importe comment, ça colle dans la famille et dans les autres. Il y en a qui sont esclaves dans leur famille. Le père a souffert. L'oncle, la tante, le petit frère. Tu regardes dans la famille, il n'y a personne. Oh, mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Jésus-Christ est là. Il est capable de libérer ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, acclame pour le Seigneur. Il est digne de gloire. Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. Il est capable ce matin de délivrer ta vie. Il est capable, quel que soit le niveau d'esclavage dans ta vie, Jésus-Christ est capable. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. Mais c'est des prières de foi. N'attendez pas. Dieu n'attend pas la fin de la prédication pour faire les miracles. Non, non, Dieu fait les miracles quand il le veut. Alors lève ta main. Dis avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin. J'annule dans ma vie. Tout esprit qui veut me maintenir dans l'esclavage. Qui veut maintenir ma famille. Mes enfants. Mon mari. Ma femme. Dans l'esclavage. J'annule. J'anéantis ces esprits. Au nom de Jésus. Commence à prier. Annule ces esprits. Tes enfants ne seront pas esclaves. Ta vie ne sera pas esclave. Annule cet esprit-là. Au nom de Jésus. L'esclavage de la sorcellerie. L'esclavage de la pauvreté. L'esclavage de la maladie. Il n'y a aucune maladie qui va te rendre esclave. Au nom de Jésus. Annule ces choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève ta main droite. La Bible me dit dans Jean 8, celui que le Fils a franchi devient réellement libre. Dis avec moi. Père, au nom de Jésus, je proclame ce matin que je suis libre pour voir ta main de ma famille de mes enfants de tout à moi libéré de tout esclavage. Là tu fais seulement des déclarations. Commence à déclarer. Prie. Déclare, ne demande pas. Déclare que tu es libre. Déclare que Jésus t'a libéré. Déclare que Jésus t'a libéré. Jésus, merci. Tu nous as libérés. Tu nous as libérés. Alléluia. Tu nous as libérés. Alléluia. Tu nous as libérés. Alléluia. Tu nous as libérés. Tu nous as libérés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, proclame que Jésus t'a libéré. Proclame que Jésus t'a libéré. Proclame que Jésus t'a libéré. Proclame. Utina na Yesu. Utina na Yesu. Utina na Yesu. Utina na Yesu. Utina na Yesu. Utina na Yesu. Utina na Yesu. Alléluia. Proclame que Jésus t'a libéré. Dis, je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la sorcellerie. Proclame que Jésus t'a libéré. Proclame que Jésus t'a libéré. Oh, si tu as des problèmes qui te rendent esclave, bien-aimé, prie, bien-aimé. Alléluia. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer dans ta vie. Commence à les déclarer dans ta vie. Commence à déclarer que tu es libre de tout esclavage. Tu es libre de tout esclavage. Il n'y aura pas de maladie dans ta vie. Il n'y aura pas de maladie dans ta maison. Il n'y aura pas de mort. Tu n'es pas esclave de la mort. Tu n'es pas esclave de la sorcellerie. Tu n'es pas esclave de toutes les astuces de l'ennemi. Proclame cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Proclame. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je ne suis pas esclave du péché. Je suis esclave de la pauvreté. Je suis esclave de la mort. Je suis esclave de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Santé buona. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta liberté? Oh, alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, si tu les acceptes dans ta vie, c'est ta faute. Vous pensez qu'il faut toujours que Dieu intervienne. Il y a des choses où il faut prier Dieu. Mais il y a des choses où toi-même tu dois refuser. Alléluia. Amen. Troisième ennemi. Oui, maman, c'est toi. Tu vas intervenir à tout moment. Troisième ennemi. 1 Samuel 30. Le troisième ennemi. Nous allons revenir sur toutes ces choses en semaine. Le troisième ennemi. Le troisième ennemi. 1 Samuel 30:18 David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses femmes. Non, c'est chapitre 26. 1 Roi chapitre 26. À partir du verset 18. Et il dit, pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. Vous pouvez souligner cette phrase, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. Verset 21. Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David. car je ne ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. » Verset 25. Saül dit à David, « Sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimé, c'est une histoire terrible. Saül a décidé de combattre David. Le troisième ennemi, pour éviter que David hérite, si vous permettez la tautologie, le thème de son héritage. Saül s'est levé. Il dit, pas question que David soit roi. La royauté, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu sur David. La première chose, comme je l'ai dit, on voulait que David rentre au désert. Alors qu'il avait déjà reçu la promesse d'être roi. Tu as de grandes promesses. Mais on veut te retourner dans la souffrance. Aujourd'hui, tu dois prendre tes responsabilités. La deuxième chose, on voulait les tuer pour qu'ils soient esclaves. Or, l'esclave n'hérite de rien. Il fallait combattre. Il fallait vaincre cet ennemi. La troisième chose, c'est Saül. Quand il vint Eliab, il traverse la première étape. Quand il vint Goliath, il traverse la deuxième étape. Mais le diable n'a pas laissé tranquille. Il a suscité Saül. Un plus fort que lui. Goliath était géant. Il avait la force. Mais Saül était puissant. Il avait les moyens. Il a vaincu les géants. Souvent, on parle toujours du géant. La bataille contre les géants de ta vie. Mais c'est vrai. Après avoir vaincu les géants, il y a le puissant. Mais ce n'est pas facile de vaincre le puissant. Géant, en soi, c'est quoi? Néphili. Puissant. Montu angufu aweso. Ngufu jo géant. Puissant. Montu aweso. Montu angufu. Montu aweso. Bon, ok, on va se comprendre. Parfois c'est difficile. Il a vaincu les géants, il était grand, élevé. Il a battu aussi le géant, le montu, qu'a fait à toi, le montu, le quoi, David était minuscule. Mais il a renversé le géant. Il voulait bloquer son héritage. Quand le géant est tombé par terre, il a coupé la tête. Pendant qu'on chantait la victoire, le puissant se lève. Oh bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu as renversé des géants. Mais aujourd'hui, il y a des puissants. Vous savez, la puissance c'est quoi? C'est les capacités au-dessus de toi. Quelqu'un avec plus de moyens, quelqu'un avec plus d'argent, il s'élève et il te dit en face, tu n'entreras jamais en ces lieux-là aussi longtemps que moi je vis. Saül dit, Saül anasema, je vais tuer David. Mintamua Daudi. David a raté la mort chez Goliath. Daudi lusa kufa kwande kule kwa Goliath. Mais il était en face d'un puissant. Sasa alikuwa mbele ya mtu wa nguvu ya Yesu. Oh, il y a des gens dans leur vie. Oko batu wengine maisha yao. Bien que les gens soient tombés, les sorciers. Ngoka benefici, benefili bananguka balozi. Ils sont en face de puissants. Sasa banakuwa mbele ya batu ya nguvu ya Yesu. Des hommes puissants. Bale bantu ni qui se lève. Yesu kabisa bana simama. Un jour Saül, il appelle David à la fête. Il a déjà pris la décision. Vous savez, quand un puissant a pris la décision, personne ne peut changer cette décision. Il arrive à la table. Ils sont en train de manger. Il regarde Jonathan. Il dit, mais où est ton ami? Jonathan trouve une explication pour protéger David. Le père veut tuer même son fils. Jonathan comprend que la décision est déjà prise. David doit mourir. Il n'y a personne pour le protéger. Si le fils ne peut pas arrêter son père, la femme n'en parlons pas. Il n'y avait que Dieu. Jonathan dit à David, plus personne ne peut faire quelque chose. Là, il n'y a que Dieu. Oh, mais j'ai dit ce matin, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui va te protéger contre le puissant qui en veut à ta vie. Il y a un Dieu, quel que soit le puissant, il y a un Dieu qui va protéger la vie de quelqu'un. David a fui partout. Là, je comprends une chose. Les puissants nous font fuir. Bantu ya ngufu, bantu kimbisaka fashi yote. Huko mulikasi utakimbia Lubumbashi. Tu ya isi ya lika siti vafuir, bura alea Lubumbashi. Hata kufata Lubumbashi utakimbia, onda kukipushi. Memu si tu ya Lubumbashi la bati, va alea kipushi. Itesu ya kipu chufu, tu alea kivaki chasa. Hata kipushi tana kule, utakimbia onda kishasa. Itesu ya kina, tu vafui. Hata kufata kule tana, paka utakimbia. Parce qu'il est puissant. Sababu, eko na ngufu na uweso. Opa umemi David, adi nono, mine biacha. David, allez même dire que non, là j'abandonne tout. Après avoir mes services, cet héritage ici, je meurs. Attaque, je vais même chez les ennemis. Alors un jour, Dieu donne l'occasion à David. Saül entre dans la caverne où était David. David ringia mushimu mule, mrukua David, Saül. Et David dit, voici l'occasion. David asema, ça s'engagea, wakati mzuri yoye nenifikia. De l'achever. Ya kumumaliza. David s'avance. Daudi anasonga mbele. David s'avance. Anasonga mbele Daudi. Oh bien-aimé. Pendo wangu. Ah, ça c'est merveilleux. Kiema kabisa. Ça c'est merveilleux. Kitu kiema kabisa. Saül était couché, il dormait. Saül alikuwa mwenye kulala muusingizi. Sa lance était à son côté, à côté de la tête. Mukuki yake ilikuwa kukichwa yake. Tous les gardes du corps de Saül. Balizi bote ba Saulo. Dorme. Barikuwa mubusingizi. Un des serviteurs de David. Umoja watumishi wa Daudi. Un certain Abishai, ce n'est pas ça notre thème. Il est un kishina yetu, Abishai jina yake. Il dit à David, prends seulement la lance. Anamwambia Daudi sebe mukuki sasa. D'un seul coup. Umutwange mara moja. C'est fini avec ton ennemi. Na umumalize adui wako. David dit non. Daudi anasema la. Je ne veux pas faire ça. C'est un oint de l'Éternel. Et David lui dit, Prends seulement la lance. Beba paka mukuki yake. Prends seulement la cruche. Beba na mutungi yake. Partons. Twende. Ils sont partis. Kisha balienda. Quand il arrive très loin, kulembali, il crie. Joba nanamika. Abner. Abneri. Abner c'était. Aujourd'hui on l'appelait comment? Le chef d'état-major général. Ah, ye jemadari mukubwa wa jeshi. Il dit Abner, tu n'es pas sérieux. Sama, Abneri, we yahuna mtu mzuri. Tu n'as pas bien gardé le roi. Okumuchunga mfalme vizuri. Comme pour dire, akusema tena hivi, malgré la puissance, ingawa uwezo, c'est Dieu qui avait sa vie entre ses mains. Ni Mungu alikuwa na maisha yake mu mikono. Bien-aimé, pendwa, même quand Dieu t'élèvera, ataka kama Mungu anakupandisha yulu kabisa, n'oublie pas, usisahau, que c'est l'Éternel qui a ta vie entre ses mains. Kama ni Mungu anakuwa na maisha yako mu mikono yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que l'argent, unajua fedha, la puissance dans la vie, ont tendance à nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi à un moment donné dans la vie, commence à prier pour ton cœur. Ne condamnons pas les gens. Prions pour leur cœur. Ce n'est pas facile. Il y a d'autres personnes. Quand seulement ils mangent bien, kama tu yako nakula vizuri, il peut même t'insulter. Anaweza taka kutukana bila mambo. Parce que il y a quelqu'un qui a l'argent. Parce que mtu kama ana fedha, il commence à parler en français. Anaweza paka mu français sasa. Jambo, bonjour. Unamwelezea jambo, bonjour. Mimi nakufanya, tu ne comprends jamais ce que tu dis. Unaelewa hata binye bila unasema bila. Pourquoi? Juu ya nini? Il se sent puissant. Anajiona yuko na uwezo na nguvu kabisa. C'est vrai que l'argent amène la puissance. Ya kweli, fedha inaleta mtu anakuwa na nguvu na uwezo. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Akini chunga moyo wako shindia chambo jolo. Parce que de lui viennent les sources. Sababu ndani ile moyo wako natoka. Oh David crie. Tu n'as pas bien gardé le roi Abner. Tu es coupable. Wewe utahukumiwa. Le roi sursaute. Fanya manastuka. Et le roi il crie. Fanya manaye lalamika. Est toi mon fils David. Wewe mwanangu Daudi. Vous voyez comment il change. Mbona sasa pale anageuza usemi. Est toi mon fils David. Ni wewe mwanangu Daudi. David lui dit on t'a pas bien gardé. Daudi anasema abakuchunga vizuri. Demande leur où est la lance. Uliza sasa mkuki yako iko wapi? Où est la cruche? Na mtungi yako iko wapi? Envoie quelqu'un qui vienne chercher pour toi. Tuma mtu moyo akuye akubebe vitu yako. Aujourd'hui, Dieu t'a livré entre mes mains. Mais à cause de Dieu, je n'ai pas voulu te faire du mal. Je J'ouvre une parenthèse. Bien-aimé, ne porte jamais le sang innocent sur tes mains. Amen. David voulait, mais il a dit non, je ne peux pas. Portez ma main sur loin de l'Éternel. J'ouvre aussi une parenthèse. Et là, je parle à l'église. Et à toutes les églises. Frère, Dieu ne fonctionne pas avec les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont de vie bloquée aujourd'hui. Ils pensent que c'est un jeu. Je me suis résolu moi. Quand on m'envoie des choses compliquées sur les réseaux sociaux, qui concernent les hommes de Dieu, je les cancelle ou je les annule. Pas seulement l'Ikasi. Aina paka pa l'Ikasi hapa. Partout. Pahali pote. Au Congo. Congo. En Europe. Ngambo ya Ulaya. En Amérique. Ata ngambo ya Amerika. Les gens se plaisent. Bantu wanajifurahisha. David a dit. Daudi alisema. Moi. Mimi. Mettre ma main sur loin de l'Éternel. Loin de moi. Je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Nous vous donnons les choses qui vont vous aider pour la vie. Il dit non. Je laisse Dieu et Saül. Saül a dit, est-ce toi, David? Donc le troisième ennemi, c'est le puissant qui bloque ta royauté. Il est konabana qui tient qu'au falme. Le puissant qui bloque ta royauté. Ma ouesso inabana au falme wako. Saül était très puissant. Saül est konanguvu na ouesso kabisa. Très très puissant. Il a éloigné David de plus en plus de la royauté. Mais j'aime Dieu. Les gens pensent qu'il faut être devant pour devenir roi. Mais nous avons un Dieu qui prend les gens qui ne sont même pas là. Qui les amène pour devenir roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel arrive chez Isaïe. Samuel fika mbele ya Esau. Isaïe lui présente tous les enfants. Il dit non, non, c'est bien. Cherchons celui qui n'est pas là. Aujourd'hui, Dieu ira te chercher. Pour garder ta place. Même pour le mariage. Boaz était grand. Boaz était à Bethléem. Boaz était à Bethléem. Avec beaucoup d'argent. Mais Dieu est parti chercher une maudite. Mwanamke wa lahana. Une moabite. Mwanamke wa ngambo ya Moabu. Dieu a tendu Ruth. Mungu alikamata Ruta. Pour donner comme femme à Boaz. Amulete ya Boaz ya uwe mwanamke bibi yake. Est-ce qu'il n'y avait pas de femme à Bethléem? Ou Bethléem kwa mwanamke bengine? Il y en avait. Balikuwa. Mais la royauté Arakini, était réservée à Ruth. Ulitungiwa frères et sœurs. La royauté était réservée. Ufalume, même si tu n'es pas là. Atakama hauna hapo. Nous avons un Dieu qui sait garder nos places. Oh, je les déclare ce soir. Même si les hommes t'éloignent de ta royauté, le Seigneur gardera cette place pour toi et personne ne pourra te l'arracher au nom de Jésus de Nazareth. Même au travail, oh bien-aimé, reste attaché à Dieu. Moi je suis reconnaissant envers Dieu. Frère, moi j'ai fait des tests d'engagement seul. Je me dis non, non, c'est fini, je pars, j'arrête tout. Quand j'arrive, on me dit, mais toi on t'a cherché, tu étais où? Demain tu viens seul dans la salle. Les psychotechniques. Professionnel, j'ai défendu mon mémoire. Je termine. Namaliza, fatigué. Je choc. Bon, je rentre, j'attends les résultats. Mina chunga sasa matoke. Je termine à 11h midi. Namaliza na saa 11h midi. Vers 14h15h. Saa 14h15h. Quelqu'un veut me chercher chez moi. Muntu wangu nitafuta kunyumba. Non, je vais quand même prier avec un pasteur quelque part sur la avenue. Il dit, mais où est Monsieur Mbaye? C'est Monsieur Mbaye. C'est ici que la Bible dit, oui, oui, mais il est sorti. Anekana kapa, eko wapi? Bonjour. C'est toi, Monsieur Tel. Oui. Demain, tu commences le travail. Et puis, je lui pose la question. Est-ce que j'ai réussi aux examens? Il dit, on n'a jamais vu quelqu'un de bizarre comme toi. On s'est dit que tu commences le travail demain. Toi, tu as demandé si tu as réussi aux examens. Nous avons un Dieu qui sait garder nos places, même si nous ne sommes pas là. Je déclare ce matin, tout celui qui est dans cet environnement, tout celui qui est connecté à mon onction, dans le nom pas là, même si il y a 1000 personnes, que Dieu garde ta place maintenant, au nom pas là, même si il y a 1000 personnes,